référendo au 21, la prise est confirmée. Bonne bénie, la grande famille à Manchester. Prends-moi là où j'étais avant, là, avant que le gars n'ait rentré, pour que je m'explique quoi. ton cesse de coller mou, et toi le meilleur. Wolo wolo tike mama. Prince Barry aime papa Mugroso. Digue le bel au vaprigne. Son top espagnol. Oupa Beyene, Oupa la bouquet n'y en a pour le Hanke. Jamais sa cible, on l'appelle le space. Sergent Élie Kouma de la garde présidentielle rend hommage à Mama Gobulama. Fouba, dit vieux père. Mama Gobu Alié, Gobu Alié, Mama Gobu Alié, Gobu Alié, Mama Réyo. Mama Gobu Alié, Gobu Mama Gobu Alié, Kule Bemba Gobu Onye, Gobu Onye. Pasula Malone Kaye, Gobu O. Mama Noaila Malone Kaye, Gobu O. Nyamazege Nwadulon Gobu Alié. Je coule de l'ébéba, goboué. Toro tanoa de l'on ébéba, mama goboué. Awa burka yetoye. Goulé, wano wala wala, kolo yene gobu mama emono mimu mama ngamata malaya ngawela ngaboya mama ngumu imalanya nyeba beta halake boye kolo nyi mama alaye kolu iyala ngomele mama gugelele alabae iyala ngomele mama gugelele alabae elile gbemba Mama gobu alie, gobu alie. Mama gobu alie, gobu alie. Mama uyo. Mama inu damati le pulu yeli. Eh, iya la ngomen kiale mama ale yelele u. Kwalu oto ye mama. Ale yelele u. Eto wene ye mama, mama ipulu ine kuo. Eto wene ye mama, mama ipulu ine kuo. Mama. Jwaseka wale, mama. Abe jwaseka wale, mama. Josephine ka wale, mama. Sini kurma ka wale, mama. Luke ka wale mama, eh yeah. Sini Kourma à la forêt forte d'Isere Corée. Luc Kourma, professeur à l'ISAC Conakry. Sergent Elie Kourma, sécurité présidentielle. Josephine Kourma, élève au lycée Félix Leroy Momier. Abbé Joassin Kourma, élève en terminale, lycée Benda. Madame Kourma, née Elisabeth Kamara. Si les larmes pouvaient ramener mort, maman Gobo allait revenir, nous avions beaucoup pleuré. Maman est canadien que ton aîné Banina. Mama ikana tanga tumene banina Mambe kasile la Dola tanu akawalai Mama kukawalai Sese Davide kawalai mama Mama seni lama kawalai Mama seni lama kawalai Ya kukele Mama semi o lila ba yeneka oni, enyeke loni ba lila ba yeneka oni, enyeke loni mama lila ba yeneka oni. Nema vétérinaire, Dorota Bellevue. Kuyi lo pia la wama me yene, mama kele ya meka oni, elila alibale somu ala libali. Juste de la garde présidentielle. Papia Tego is in a lair la mort. Papia Tego is in a lair la mort. Papia Tego is in a lair la mort. Allah. Mala die magudo alama alla bomene kanye o mama tereze o alla bomene kanye o mama tereze o alla elone ne boyene etire guloyene alla no gloyene e wako tegebo kia holo negebo yene mie irkene ki guzene tonu alama Edo alama, ayia kebi mane edo. yana yane ya kuzana le amio ke bala ke bule pe ke boye pe ke mama tereze klila ma mama e po banya nduna bolonga ke nduna po alongo mama kitoma e kitole nu ma kitoma nu ma kito nu ma elo ni banwa ba ke feel like ya yin ma o mama Kerenu tono bolunga, mani mama ne. Kianenu tono palongone. Atinya hiamlo mama sherite. Epo banya, kerelo manya obe. Elo matu petie. Kuntara misirila, wala menenima. Ndala ekrisila. Lila mumbe ngo benengamo, ekele yenembe. Lila mumbe ngo benengamo, mama okeli nyaya dama, okeka ole, okeka ma walhebui. Eloni makuone, eloni bemani ti ala bemani kele kanye. Uma wafufana, tati Luizi bamba. Femme d'affaires très très forte en Angleterre. Salut à vous. On le fait pour BTA, Bande universelle. Écoutez la révolution. Pour enseignant, oui, je le jamais sensible, on appelle le sniper. Elle fonce Théa Apria, la grande association Lila. Jean-Claude Théa Apria. La gidon chef SCC de l'amour, alias CC. Papa Mugroso. jouer la guitare. Sentons l'espagnol là-bas, la muy fuerte. Hommage à tous les enseignants du monde entier. Garde courage, ça va aller. Au bureau vous soutient. Qui m'a fait comme moi, c'est comme un aïe. Didier Alex Funk. Président du ciel, qui va la consigne, maman. Le chouchou de la Guinée. C'est Dieu qui verra vous par la paix. Obligons vous soutenir, alors soyez conscients. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Capitaine Moussa Dadis Camara, président du CNDD, chef de l'État, président de la République, commandant en chef des forces armées. Le dirigeant international du micro, Obedia, Michel Théo, le régent au doigtier mielleux. Il est dans des idéaux patriotes, il est dans des idéaux patriotes. Dico, dit Papa National, salut à vous. On entend parler, yeah, yeah, yeah. On a beaucoup grévé, maman, yeah, oh. D'autres ont perdu la main sur le champ, yeah. Tout ça là pour le changer, maman, rien n'avait jamais changé. Oh, Guinée, maman, oh, yeah. Commence à dire qu'on de lien sa famille et pleurer. Et pour les partis politiques, tellement que ça vous a choqué, vous avez fini. mi papier missionnaire à l'élection présidentielle. Oh, Guinée, maman, oh, yeah. Nous sommes tous Guinéens, nous connaissons le problème de la Guinée. Oh, Guinéen, laissez CNDD yobé. Son Excellence, Madame la Première Dame, Madame Jeanne d'Addis Camara, la mère des enfants. La maison là est trop pourrie. Ce pays est trop pourri. Les Guinéens, oh yeah. Nettoyez, CNDD, nettoyez-moi ce pays là, yeah. Sinon, Soli qui viendra pourra nous envoyer dans le même bateau. Oh, oh, oh, Guinéens, comprenez ce que j'ai dit. Au moment où nous souffrons, dans les belles voitures, bien tourner ce pays-là. Dans les belles maisons, les enfants les dîners. Comme les cocaïnes qui a fini par salir le nom de mon pays. Oh oh oh, Guinée, c'est le pays de toi et moi. Le collier, l'enfant de Bocolier à zéro forêt. Il est temps de céder, oh patriote. Il est temps de céder, oh patriote. Vous êtes là à la télé, on vous voit. Ne mettez pas les bâtons dans les roues des gens, maman. Oh, yeah. Ce pays-là est trop corrompu. Les justices, maman, la criminalité. Les voleurs, ils ont fini par salir mon pays. Allez, c'est fini, oh, c'est Mbabake. Ce sont des malfaiteurs, ils nous ont mis en retard. Nous nous avions galéré dans ces pays, maman. Aux jugez-les, condamnez-les. C'est des malfaiteurs, ils nous ont mis pour un état, oh yeah. Maman Bagoura, oh c'est Mbabake, oh yeah. C'est Mbabake. Otaoué, oh c'est Mbabake. C'est Mbabake. Capitaine Bébé, oh c'est Mbabake. Capitaine Tedoro, c'est Mbabake, c'est Mbabake. Oh, Sandeo, c'est Mbabake, c'est Mbabake. Mamie Sola Sanyo, la mère des jeunes militaires. Papa Konate, oh, c'est Mbabake, c'est Mbabake. Le tigre. Akwaka o sen babake, sen babake. Sande o sen babake, yo sen babake. Papa Diegoro o sen babake, sen babake. Papa o sen babake, oh yo sen babake. La Megine e no se son de babake. Malongo, c'est ni fait à Alexandre à Anderson, Canisplay. Michel Belcos-Collier, créateur de la musique moderne de la forêt. Yeah. recommence encore. Ça va aller. Goupe Lila de Fria. Il me demande ma maman de ma wakwayene. Dessiné, Joachim Loi, à Ambès. Maria Zélélier, Michel et Corriel, oh, mais toi c'est Corriel. Belle gosse, n'a pas les gars, n'a pas les gars. Belle gosse, n'a pas les gars, n'a pas les gars. Les chefs de France Molière à Bruxelles. Les doyens des forestiers David, sur Bellemou, à Bruxelles. Nous prions pour le repos de l'âme de Maman Jeanne Vivi. dernier pidi na na pidi na ye papa pidi na mo na ro pidi na ye yo tene pidi na mo nye ka ye mau pelong pidi maya no de mana Bienvenue, Port Benny, la grande famille à Manchester.